Il y a une chose en elle que j'aime. Quand elle nous frappe, on ne sent aucune peine. Je sais que tu es ma bouffée d'oxygène. Number one de ma liste, elle m'a foutu la folie. Je veux son body, c'est ma maladie. Mon ecstasy nourrit mon âme et mon esprit. Éternelle mélodie, je te dédie ma vie. S'agit même pas de money, je suis tombé dingue. Digi digi dingue d'elle. Rythme est dead dans mon corps, dans mes pages, m'enfuis. Je danserai avec toi jusqu'à l'infini. Une passion que témoigne tous ces moments difficiles. Le temps les efface, nos larmes indélébiles. Avec toi for life, tu m'as donné de l'espoir. Beauté divine. C'est elle que je désire, ressens comme elle est bonne. Ceci est pour les rules de l'année dans salle. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Et de toutes les filles, musique c'est toi que j'ai choisi. Comme l'antiquaire aime l'art gothique, et comme la rue aime l'art gothique, moi je me pique d'un arsenic harmonique with elle. Je suis narcotique. Il suffit qu'elle me fasse un clin d'œil. J'explose mes douilles. Oui, je mets mon orgueil en deuil. J'en suis, je perds mon portefeuille. Je tombe raide comme une morte chouette. Je t'adore, mon amour pour la musique sans faille. Même si tu me traites de pure saï-saï. Avec elle, jamais je me déraille. Quand elle sonne dans mes oreilles, je suis die. Fidèle à ses décibels, sa beauté est mon récital. Je veux vivre ma vie avec la magie musicale. Ivre de plaisir naturel, pour moi c'est primordial. C'est elle que je désire, ressens comme elle est bonne. Ceci est pour les rules de l'année dans le salle. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Et de toutes les filles, musique c'est toi que j'ai choisi. Elle occupe mes pensées, détend mes paroles. Elle lève les artifices quand elle dévoile son body. Elle a ce petit quelque chose qui fait crier tous les hommes. Elle lève les artifices quand elle dévoile son body. Ré, mi, fa, sol, la, si belle. Seule elle peut me faire toucher le septième ciel. C'est elle que je désire.